un dimanche après-midi à Coutances, dans une chambre d'hôtel moyen sans étoile. Le soleil passait à travers des rideaux de voile. Un soleil frais. Je me suis levé bien tard ce matin, trop tard pour le petit déjeuner. Je suis sorti sans rien manger. Je me suis rangé derrière la queue de la boulangerie. La ville était tout habillée en dimanche et en soleil, un soleil frais. Jardin public, je me suis recueilli avec un sablé et un pain raisin comme seule compagnie. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici entre deux vacances, un dimanche après-midi à Coutances.